Prendre le métro, c'est mon train-train quotidien. Sur le chemin ce matin-ci, il y avait un homme, d'aspect banal, décontracté. Sur la tête, un bonnet de gnome, bref. Des autres, sa tenue ne le différenciait en rien. Si ce n'est qu'une voix forte, il égrenait une bouillie incantatoire. Et depuis toi qui ne va t'asseoir, cuisinier, goûtez-moi. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, c'est comme ça qu'à chaque fois, c'est pareil. Excusez-moi. Je redoutais comme la peste les jugements hâtifs, car jadis j'avais confondu un geek avec un homme maladif. Pour l'avoir vu et entendu parler au vent, alors qu'il téléphonait les mains libres à sa maman. Ah mais non, non, non, alors non, c'est impossible, voyons. Mais voyons, j'ai pas 5 ans. Mais je suis plus un enfant, crotte. Ah, je préfère penser que t'es bien naïf, car enfin voyons, c'est évident. Ah, tu compliques, mais fais comme moi, quoi, simplifie. Je m'installais tranquille dans la chaleur humide d'un pimpant en wagon, et pour me mettre à l'abri de ces cris de dindon, j'eus la surprise d'un arrêt plus loin de voir monter l'homme au béret de pingouin. Bonjour madame, monsieur, vous vous dites un clochard de plus et vous avez bien raison, un de plus. Moi, tout ce que je demande, c'est une petite pièce ou ce que vous voulez, ou rien, comme vous voulez. C'est dur, je sais, c'est dur. Ou un ticket resto, ou une cigarette aussi, oui, voilà. En voilà un de fait, un de plus et un de fait en plus. Alors, excusez-moi de ne pas passer parmi vous, puisque de toute façon, vu que ça sert à rien. Ouais, voilà. Alors je note un de plus. Et puis il est parti, me laissant seul dans la rame, avec ma bêtise, comme d'habitude.